Cloutier et Kit Kuna en spectacle au La Tulipe, mardi le 12 novembre à 20h. Cherchez la place à Montréal pour vous entraîner, nager, pratiquer votre sport préféré, faites le bon choix. Optez pour le CEPSUM, mais faites vite! Jusqu'au 21 octobre, le personnel du campus et le grand public peuvent s'abonner à la salle d'entraînement pour seulement 28$ par mois. Plus de détails à cepsum.umontréal.ca. À l'Abreuvoir, on sait que la sortie du jeudi, c'est pas pour les petits joueurs. C'est pour ça que le jeudi, attention, on sort nos canons. Commande ta grosse Tremblay ou ta swing top dans le pub et on te la sert dans le rock. Avec deux grosses pointures comme Grolsch et Tremblay dans la place, on n'a pas le choix de t'offrir les deux ambiances, pub et club. Tu veux chauffer le plancher de danse? Alors prends ta grosse ou pop ton top. Les feux de la rampe t'attendent tous les jeudis à l'Abreuvoir. Abreuvoir. Pub, club, terrasse, 403 Ontario Est. Le site web de CISM a été remasterisé. Visite la nouvelle plateforme en te dirigeant au cism893.ca. Tu pourras ainsi écouter la marche en direct sur ton ordinateur, ton téléphone et ta tablette. Ne manque plus tes émissions favorites grâce aux archives et à l'écoute sur demande. Gagne des billets en participant au concours, découvre de nouvelles émissions en lisant nos actualités, achète ta musique via notre palmarès, télécharge ton application mobile et beaucoup plus au cism893.ca. CISM893.ca, aucun algorithme, des centaines d'animateurs. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Bonsoir tout le monde, en ce lundi 11 novembre, bienvenue à l'émission Le Terminus. Je m'appelle Jean-François Lusignan, on est ensemble pour une heure de rock indépendant, d'indie rock. On va entendre ce soir un mélange de nouvelles affaires qui sont parues récemment également, des trucs pas mal plus vieux, pas comme d'art, mais plus anciens, comme par exemple Medicine, 4 Volts, Chokebore et Les Secrétaires Volantes. La liste des chansons qui va tourner pendant l'heure sera disponible à la fin sur le CISM893.ca, comme d'habitude. Parlant de nouveautés, il y a samedi dernier, la formation Comme un homme libre sortait une nouvelle chanson. En fait, c'est une nouvelle chanson, mais qu'ils avaient enregistrée il y a quelques années, mais qu'ils ont terminée récemment. Elle s'appelle Pop et le sujet de la chanson, bon, c'est essentiellement la cocaïne, on en parle tout le long. On va écouter ça dans quelques instants. Ça sera suivi de Hey Baby, un groupe de Brooklyn qui lançait, eux, au début d'octobre, un EP sur un Nerdy Girls Records. Mais on commence tout de suite avec Comme un homme libre, la chanson Pop, à l'émission Le Terminus. Je fais de la coke dans un garage. Petite chérie, L.A. Font et leur chanson Diving Man, qui est la chanson-titre de leur album qui sort le 19 novembre prochain. Un album qui a été produit par Eric Palmquist, qui a aussi travaillé récemment avec des artistes comme Waves et Allo Black. Il y a des journalistes qui comparaient déjà cet album-là, dont l'album qu'ils ont déjà écouté, il semblerait. Des artistes comme Build to Spill et Pavement, donc c'est quand même des comparaisons assez... assez intéressante. On pourrait aussi ajouter peut-être de Pixies, hein, avec la chanson qu'on vient d'entendre, qui s'appelait, donc je le disais, Diving Man, de la formation L.A. Font. C'était le premier extrait de l'album qui s'en vient. Et juste avant, c'était Hey Baby et Shenandoah. Ils ont sorti, eux, un EP Super Present il y a quelques semaines sur leur page Bandcamp. La prochaine chanson qu'on va entendre paraissait en 1992, donc il y a plus de, enfin, 21 ans. Elle paraissait sur l'album Shut Fort Yourself Living, qui était en fait le premier album de la formation shoegaze de la Californie, Medicine, et album qui était réédité récemment par Capture Tracks dans leur Shoegaze Series, là, qui consiste à rééditer des vieux albums shoegaze qui étaient un petit peu, qui étaient plus tellement disponibles ou en fait oubliés également. Donc on a cet album-là qui est ressorti récemment. On écoute de l'album, de la formation Medicine, la chanson Miss Drugstore à l'émission Le Terminus. Do you de l'album Triple Your Workforce sorti en 2005. C'était Four Volts et leur chanson Hattrick, et c'était précédé de Medicine avec Miss Drugstore. On va poursuivre tout de suite avec le projet parallèle de Jared Gummier, le chanteur de la formation de Ponies. Son projet parallèle s'appelle Bear Mutants. Il sortait à la fin de l'été l'album The Affliction, qui est un album qui révente vraiment pas grand-chose, ne révente pas la roue, mais sur lequel se retrouve quand même une chanson intéressante que je vais vous faire entendre à l'instant. Il s'appelle Growing, de la formation donc Bear Mutants. C'est toujours à l'écoute du Terminus sur les ondes de CISM. Chosen to Send Them Away de la formation Beaches, une chanson qui se trouvait sur leur album chez Beats, qui est sorti un peu plus tôt cette année. Et juste avant, c'était la défunte formation menée par David Berman et dans laquelle participait également Stephen Malkmus à l'époque, la formation Silver Jews, qui s'est séparée il y a quelques années seulement. Leur dernier album remonte à 2005, il s'appelait Tanglewood Numbers, et c'était la chanson que vous avez entendue se retrouvait sur cet album-là. Elle s'appelait Punks in the Beer Light. On va maintenant entendre Lunchbox, qui est un quatuor de Brooklyn, et leur chanson Scene, qui est en fait un démo qu'ils ont lancé le printemps dernier. Depuis ce temps-là, on n'a pas eu de nouvelles de leur part. Et ça sera une chanson qui va inaugurer également un segment musical assez grunge, je vous préviens. Et je vous préviens également que vous écoutez à l'instant l'émission Le Terminus, et ça jusqu'à 20h. Et je m'appelle Jean-François Lusignan. Alors on passe à l'instant Lunchbox Scene. Weightless like a sparrow bone. lifted you on your head and told you, you don't know the way I'm feeling. You don't see the things I see. Well, I've been watching your eyes for some sign of betrayal, a certain carriage I thought you might find. A little curl of your lips, a little shatter of a wing, a little screaming to keep me in line. But what is the lie and I am a liar? Can't you see that yet? I was born and bred, heart of stone, too like heresy. La chanson Laissez faire, qui est je crois pas mal être la seule chanson en français du groupe. En fait, c'est la seule en français sur leur album Blame Confusion, qui occupe actuellement la troisième position du palmarès de la station cette semaine. Et si vous voulez voir Solides en spectacle, le prochain, ça sera aux Haricots de Saint-Hyacinthe, samedi prochain, le 16 novembre, parce que par la suite, je crois qu'ils partent là, pour une tournée aux États-Unis ou en Europe ou quelque part comme ça. Donc, une dernière chance de les voir dans la région de Montréal. Et avant Solides, vous avez aussi entendu dans les dernières minutes la musique de Chuck Bohr et un truc qui était sorti en 95 qui s'appelle Weightless. On va continuer avec encore une chanson en français et encore un truc sorti il y a une vingtaine d'années, c'est Les Secrétaires Volantes avec leur chanson Solange, es-tu réveillée? C'est toujours à l'écoute de l'émission Le Terminus. Pour les céréales ou une pizza surgelée. Lors cette terrible dictaton de minuit, je réanime ma femme encore tout en surveillée. Ouais, pour qu'elle se réhabille, descend les escaliers, pour qu'elle aille me chercher mon lait et mes biscuits. Je lui dis Solange, es-tu réveillée? Solange, es-tu réveillée? Hey, Blanche-Ange, je suis réveillé. Maintenant, je suis réveillé. Je rêve mon patron en flagrant lit. A voler un stylo, un carnet, un presse-papier. Quel horrible cauchemar, je me réveille dans mon lit. Et suis en sueur, rien ne sert de paniquer. Mais j'ai beau me raisonner, le cauchemar n'est pas fini. Je me tourne vers ma femme, elle sera me rassurer. Je lui dis Solange, es-tu réveillé? Solange, es-tu réveillé? Maintenant, je suis réveillé. Je ne me sens pas bien sans doute l'effet du souper. Toute bonne relation, je vais être empoisonné. Je suis bon pour la drogue si je ne fais rien. Appelé la pharmacie, sinon encore mieux un médecin. Mais quelqu'un me dit quelque chose et puis vite où j'écris. Pour réveiller Solange, la dernière chance de sursis. Je lui dis Solange, es-tu réveillé? Solange, es-tu réveillé? Non, ça marche bien. Es-tu réveillé? Ben, gang! Thank you. Native America et leur chanson Digital Bottomy tirée de l'album Bad Weed But Still Weed, disponible gratuitement depuis cet été sur leur page Bandcamp Native America, music.bandcamp.com. Reste à l'écoute dans quelques instants. Romain Boulouin sera là avec l'émission Nous sommes les rockers et la même de la visite en studio. Ils sont déjà arrivés, s'installent à l'instant. Pour retrouver la liste des chansons de l'émission de ce soir, vous pouvez vous rendre sur le CISM893.ca dans quelques instants. Sinon, les archives de l'émission, c'est sur leterminus.ca. On va se quitter avec la musique de la formation Power Pyramid. Ils sont pas mal de tendance shoegaze. Peut-être un petit clin d'œil au spectacle de My Bloody Valentine, qui était de passage à Montréal là, cette semaine. Ça, c'était au moins la première fois en 20 ans qu'il passait nous voir. Très bon spectacle. On va entendre donc la chanson Trust de Power Pyramid. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se reparle le lundi prochain, 19h, pour l'émission Le Terminus. Ciao!